bon sha bon bon bon bon bon bon bon sha bon bon bon bon sha bon bon bon bon bon sha bon yeah yeah bon bon bon sha bon bon bon bon bon bon bon sha bon bon bon bon sha bon bon bon bon bon sha bon yeah yeah 下で初恋の人とすれ違う気づかないふりをしたわけは随分時間が経ったから